Chapitre 40e. Depuis 3 heures environ, le docteur Dufour était arrivé à la ferme. David, discrètement retiré dans le salon d'études, attendait avec une anxiété mortelle des nouvelles de Madame Bastien, auprès de qui le docteur et Frédéric étaient jusqu'alors restés. Une seule fois, David, debout sur le seuil du salon, s'était écrié à voix basse, en voyant Marguerite passer rapidement devant lui, sortant de chez sa maîtresse. « Eh bien, Marguerite ?»« Ah, monsieur David !» avait seulement répondu la servante en pleurant et sans s'arrêter. « Elle se meurt !» s'écria David en rentrant dans le salon. Et pâle, les traits bouleversés, le cœur brisé, il se jeta dans un fauteuil, cacha sa figure entre ses mains, fondit en larmes et mordit son mouchoir pour étouffer ses sanglots. « J'ai connu le désespoir de cet amour contenu, caché, impossible » murmura-t-il. « Je croyais avoir cruellement souffert. Souffrir, cela, souffrir, dérision. Est-ce que je savais ce que c'était que la crainte de perdre Marie ? La perdre, elle, mourir, non, non. Oh, mais je le verrai, du moins. » Et presque fou de douleur, David traversa précipitamment le salon, mais il s'arrêta au seuil. « Elle se meurt, peut-être, et je n'ai pas le droit d'assister à son agonie. Que suis-je ici ? Un étranger. Écoutons, du moins, rien. » Rien, un silence de tombe. Mon Dieu, dans cette chambre, où elle agonise peut-être, que se passe-t-il? Ah, quelqu'un sort, c'est Pierre. Et David, faisant un pas dans le corridor, vit en effet, dans la pénombre du couloir obscur, le docteur sortir de la chambre de Marie. Pierre, lui dit-il à voix basse afin de hâter sa venue. Pierre! Monsieur Dufour s'avançait rapidement au-devant de David lorsque celui-ci entendit une voix dire tout bas. « Monsieur le docteur, il faut que je vous parle. » À cette voix, Monsieur Dufour s'arrêta brusquement devant la porte de la salle à manger où il entra. « Quelle est cette voix ?» se demanda David. « Est-ce Marguerite ? Mon Dieu, que se passe-t-il » ajouta-t-il en prêtant l'oreille du côté de l'endroit où venait d'entrer le médecin. « C'est Pierre qui parle. Ses exclamations annoncent l'indignation, l'épouvante. Enfin, il sort. Le voici. » En effet, Monsieur Dufour, la figure altérée, le front courroucé, entra dans la salle d'études, les mains encore jointes par un geste d'horreur et s'écria « Mais c'est horrible! Mais c'est infâme !» David, ne songeant qu'à Marie, s'élança au-devant de son ami. « Pierre, au nom du ciel, comment va-t-elle ? La vérité. J'aurais du courage, mais par pitié, la vérité, si affreuse qu'elle soit. Il n'y a pas, vois-tu, de torture égale à celle que j'endure ici. » Depuis 3 heures, me demandant « Est-elle vivante, agonisante ou morte ?» Les traits bouleversés de David, ses yeux ardents, rougis par des larmes récentes, le brisement de sa voix, trahissaient à la fois tant de désespoir et tant d'amour que le docteur Dufour, quoique sous l'impression d'une violente émotion, s'arrêta court à la vue de son ami et le contempla pendant quelques instants avant de lui répondre. « Pierre, tu ne me dis donc rien, rien ?» s'écria David, effrayant de douleur. « Mais elle meurt donc, alors ?»« Non, Henri, non, elle ne se meurt pas. »« Elle vivra ?» s'écria David. À cette espérance, ses traits se transfigurèrent. Il serra le médecin contre sa poitrine, en murmurant sans pouvoir retenir ses larmes. « C'est plus que la vie que je te devrais, Pierre. »« Henri ?» reprit le docteur avec un soupir. « Je n'ai pas dit qu'elle vivrait. »« Tu crains ?»« Beaucoup. » « Oh mon Dieu, mais au moins tu espères ?»« Je ne l'ose pas encore. »« Et à cette heure, comment est-elle ?»« Plus calme, elle s'est assoupie. »« Oh, qu'elle vive, Pierre, il le faut. »« Elle vivra, n'est-ce pas ? Elle vivra !»« Henri, tu l'aimes ?» Rappelé à lui par ces mots de son ami, David tressaillit, resta muet et les yeux attachés sur les yeux du docteur. Celui-ci reprit d'un ton grave et triste. « Henri, tu l'aimes ? Je n'ai pas surpris ton secret. » Tu viens de me le révéler toi-même. Moi ? Par ta douleur. C'est vrai, je l'aime. Henri, s'écria le docteur, les larmes aux yeux avec une émotion profonde. Henri, je te plains. Oh, je te plains. C'est un amour sans espoir, je le sais. Mais qu'elle vive. Et je bénirai les tourments que je dois endurer près d'elle, car son fils, qui nous lie à jamais, sera toujours entre elle et moi. Oui, ton amour est sans espoir, Henri. Oui, la délicatesse t'empêchera de jamais laisser soupçonner tes sentiments à Marie. Mais ce n'est pas tout, et je te le répète, Henri, tu es plus à plaindre que tu ne le penses. Mon Dieu, Pierre, que veux-tu dire ? sais-tu? Mais tiens, mon sang bout, mon indignation se rallume, tout se révolte en moi, car on ne peut plus parler de sang-froid, d'une si lâche atrocité. Malheureuse femme, il s'agit d'elle, parle donc. Tu me brises, tu me tues. Tout à l'heure, je venais te rejoindre. L'ont arrêté dans le couloir. C'était Marguerite. Sais-tu où Madame Bastien passait une partie de la nuit? Que veux-tu dire? Elle l'a passée hors de sa maison. Elle? La nuit hors de sa maison? Oui. Son mari l'a jetée dehors de minuit, par cette nuit glacée. David frémit de tout son corps. Puis, après avoir porté ses deux mains à son front, comme pour comprimer la violence de ses pensées, il dit au docteur, d'une voix entrecoupée, « Tiens, Pierre, j'ai entendu tes paroles, mais je ne te comprends pas. On dirait qu'un nuage vient de s'étendre sur mon esprit. D'abord, je n'ai pas compris non plus, moi, c'était trop monstrueux. Marguerite, hier soir, peu de temps après avoir quitté sa maîtresse, a entendu longtemps parler, tantôt à voix basse, tantôt avec violence, dans la salle d'études, puis marcher dans les corridors, puis le bruit d'une porte qui s'ouvrait et se fermait, puis plus rien. Cette nuit, après le départ de M. Bastien, Marguerite, sonnée par sa maîtresse, a cru d'abord à un évanouissement de Marie, mais plus tard, à certains indices, Marguerite a eu la preuve que sa maîtresse avait dû rester depuis minuit jusqu'à 3 heures sous le porche, exposée à toute la rigueur de cette nuit glaciale. Ainsi, cette maladie, mortelle, peut-être, mais c'est un meurtre, s'écria David, effrayant de douleur et de rage. Mais cet homme est un assassin. Ce misérable était ivre, à ce que m'a dit Marguerite. C'est ensuite d'une altercation avec sa malheureuse femme qu'il l'aura jeté dehors. Pierre, cet homme va revenir tantôt. 2 fois il m'a outragé. Je le provoquerai, je le tuerai. Henri, du calme. Je veux le tuer. Écoute-moi. S'il refuse de se battre, je l'assassinerai. Je me tuerai ensuite. Marie sera délivrée. Henri, Henri, c'est du délire. Oh mon Dieu, elle, ainsi traitée, dit David d'une voix déchirante. Savoir, cet ange de pureté, cette mère adorable et sainte, pour toujours à la merci de cet homme stupide et féroce, mais tu ne vois donc pas que s'il ne meurt pas cette fois-ci, il la tuera un autre jour. Je le crois, Henri, et il ne faut pas qu'il la tue. Et tu ne veux pas que je... Henri, s'écria le docteur en prenant les mains de son ami avec effusion. « Henri, noble et excellent cœur, reviens à toi. Sois ce que tu as toujours été, plein de générosité, de courage. Oui, de courage. Il t'en faudra pour accomplir un sacrifice cruel, mais indispensable au salut de Madame Bastien. Un sacrifice utile au salut de Marie. Oui, parle. Brave, brave cœur, je te retrouve. » J'avais tort de te dire que tu étais plus à plaindre que tu ne le pensais, car les âmes comme la tienne vivent de sacrifices et de renoncements. Écoute, Henri, en admettant que je puisse sauver Madame Bastien de la maladie qu'elle a gagnée cette nuit, une fluxion de poitrine des plus dangereuses, il ne faut pas que cette femme angélique reste au pouvoir de ce misérable, n'est-ce pas? Achève, achève! Il est un moyen honorable et légal d'arracher à cet homme la victime qu'il torture depuis 17 ans. Et ce moyen, une séparation judiciaire. Et comment y arriver? L'atroce conduite de cet homme durant cette nuit est un sévice des plus graves. Marguerite en témoignera. Il n'en faut pas davantage pour obtenir une séparation, et d'ailleurs, je verrai les juges, moi, et je leur dirai avec la chaleur et l'indignation d'un cœur honnête la conduite de Bastien envers sa femme depuis son mariage. Je leur dirai l'angélique résignation de Marie, son admirable dévouement pour son fils, et surtout, je leur dirai la pureté de sa vie. Tiens, Pierre, pardon, tout à l'heure, je parlais comme un insensé. À une brutalité féroce, je répondais par une violence homicide. Tu as raison. Il faut que Madame Bastien se sépare de son mari, qu'elle soit libre. Et à cette pensée, David ne put réprimer un tressaillement d'espérance. Oui, qu'elle soit libre, et alors, pouvant seul disposer de l'avenir de son fils, Henri, dit le médecin en interrompant son ami. Tu dois comprendre que pour que cette séparation soit ce qu'elle doit être du côté de Marie, digne et honorable, il faut que tu t'éloignes. Moi ? S'écria David atterré par les paroles du docteur, qui reprit d'une voix ferme. Henri, je te le répète, il faut t'éloigner. La quitter ? La quitter mourante ? Jamais. Mon ami. Jamais. Elle non plus n'y consentirait pas. Que dis-tu ? Non, elle ne me laisserait pas partir. Abandonner son fils, que j'aime comme mon enfant, l'abandonner au moment même de réaliser les plus belles espérances. Mais ce serait insensé. Je ne le pourrais pas. Et ce cher enfant ne le pourrait pas non plus. Tu ne sais pas ce qu'il est pour moi. Tu ne sais pas ce que je suis pour lui. Tu ne sais pas enfin les liens indissolubles qui nous unissent, sa mère, lui et moi. Je sais tout cela, Henri. Je sais la force de ces liens. Je sais enfin que ton amour, peut-être ignoré de Marie, est aussi pur que respectueux. Et tu veux m'éloigner ? Oui, parce que je sais aussi que Marie et toi, vous êtes jeunes tous deux, parce que vous vivez dans une intimité de tous les instants, parce que l'expression de la reconnaissance qu'elle te doit pourrait paraître à des yeux prévenus l'expression d'un sentiment plus tendre, parce qu'enfin je sais que la vieille marquise de Pontbriand, douairière et hontée s'il en est, a fait au château devant 20 personnes de méchantes et cyniques allusions à l'âge et la figure du précepteur que Madame Bastien a choisi pour son fils. Oh, c'est infâme. Oui, c'est infâme. Oui, c'est indigne. Mais tu donneras créance à ces infamies, à ces indignités, si tu restes dans cette maison au moment même où Madame Bastien, après 17 ans de mariage, demandera sa séparation. Mais elle ignore mon amour, Pierre, je te le jure. Mais tu sais bien que je mourrais plutôt que de lui dire un mot de cet amour, par cela même qu'elle me doit le salut de son fils. Je ne doute ni de toi ni d'elle, mais je te le répète, ton séjour prolongé dans cette maison peut faire à Marie un tort irréparable. Pierre, ses craintes sont folles. Ses craintes ne sont que trop fondées. Ta présence, ainsi méchamment interprétée, portera atteinte à l'irréprochable pureté de la vie de Marie. On préjugera mal de sa demande en séparation. On la rejettera peut-être. Alors Bastien, doublement irrité contre sa femme, redoublera de brutalité envers elle. Et il la tuera, Henri, il la tuera légalement, il la tuera honnêtement, comme bien des maris tuent leurs femmes. La justesse des paroles du docteur était évidente. David ne put la méconnaître. Voulant pourtant se rattacher à une dernière espérance, il reprit. « Mais enfin, Pierre, puis-je quitter Frédéric qui, à cette heure, a encore besoin de tous mes soins ? Car son moral est à peine raffermi. Cher enfant, le quitter au moment où j'entrevoyais déjà pour lui un si glorieux avenir ? Mais songe donc que ce soir, M. Bastien sera ici, qu'il te dira peut-être de sortir de la maison, de cette maison, où après tout il en est le maître, que feras-tu ? L'entretien de David et du docteur fut interrompu par Frédéric, qui entra vivement en disant à M. Dufour « Ma mère vient de se réveiller de son assoupissement. Elle désire vous parler à l'instant, M. Dufour. »« Mon enfant, » dit le médecin Frédéric, « j'aurai quelques mots à dire à votre mère en particulier. Veuillez rester un moment ici avec David. » Et s'adressant à son ami, M. Dufour lui dit « Henri, je puis compter sur toi, tu me comprends ?»« Je te comprends. Tu me donnes ta parole de faire ce que tu dois faire. » Après une longue hésitation, pendant laquelle Frédéric, surpris de ces paroles mystérieuses, regardait tour à tour le docteur et David, celui-ci reprit d'une voix ferme en tendant la main à son ami. « Pierre, tu as ma parole. »« Bien, bien, » dit le médecin avec émotion en serrant la main de David. Puis il ajouta « Je n'ai rempli que la moitié de ma tâche. »« Pierre, que dis-tu ? » s'écria David en voyant le médecin se diriger vers la chambre de Marie. « Que vas-tu faire ?»« Mon devoir, » répondit le docteur. Et laissant David et Frédéric dans le salon d'études, il entra chez Madame Bastien.